武家アルククラの2つの新現実が来る。 Aber der Cash, der Fun ist Aber der Cash, der Spun ist Für Walla, mein Eck, der Spun ist Für Walla, mein Eck, der Fun ist Aber der Cash, der Spun ist Aber der Cash, der Spun ist Für Walla, mein Eck, der Fun ist Für Walla, mein Eck, der Fun ist Aber der Cash, der Spun ist Aber der Cash, der Spun ist Für Walla, mein Eck, der Fun ist Für Walla, mein Eck, der Fun ist Flo, denk, don't let do me Flo, denk, don't let do me Aber der Mann, ich, der Fun ist Envoie la monnaie, j'te fournis Comment veux-tu que j'aborde le thème de manière difficile Couple les barges au pilon Colorado, faut que ton sweat s'extile Par là, il est ton cerebral, on fait un 360 Par là, il est ton cerebral, on fait un 360 Genoux à terre, que pour le sang, ma famille Colin, Kaepernick, Yeezy, même pas ça Si pourtant, j'm'en fous de la fashion week Berlin, plaquette, neuf Comme Real Madrid, Salonique Je me sens pas dans la bonne ligue Je mets des Hagra atomiques Je me sens pas dans la bonne ligue Je mets des Hagra atomiques On voit le cash que fournis On voit le cash que j'fournis C'est pas la monnaie que j'fournis C'est pas la monnaie que j'fournis On voit le cash que j'fournis On voit le cash que j'fournis C'est pas la monnaie que j'fournis C'est pas la monnaie que j'fournis On voit le cash que j'fournis Qu'est-ce que je fournis C'est voir la monnaie que je fournis C'est voir la monnaie que je fournis Floating dans les tournis Floating dans les tournis On voit la monnaie que je fournis On voit la monnaie que je fournis A chaque clip je lève des câbles Champagne, rapping, sabré Soul train devant le pacte Y'a de la jaune, pas le sablé Flosé, ram, cabré N'aigue plus le temps de se taper Tout cross, tu me slappais Le style est hard comme Shackley Smith et Wesson comme Stanley Trigger happy, je l'ai chaloué Big Boom, Red One, John Blaze J'suis le même, on est offstage On faut pas Yeezy, Crocs, Bêche Écrivez, j'dois tailler des sang-hêches J'ai les hautes scènes pour le cortège Faut que ton vrai kiff, il se n'est comme un Scorsese On voit le cash, t'es fournis On voit le cash que j'fournis Fais voir la monnaie que j'fournis Envoie la monnaie que j'te fournis Envoie le cash que j'fournis Envoie le cash que j'fournis Fais voir la monnaie que j'te fournis Fais voir la monnaie que j'te fournis Envoie le cash que j'fournis Envoie le cash que j'fournis Fais voir la monnaie que j'te fournis